Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. C'est la bataille de l'Alberta qui va débuter demain à Calgary entre les Oilers d'Edmonton et les Flames de Calgary. C'est la première fois depuis 1991 que les deux équipes s'affrontent en série. On en parle avec Patrick Henry. Salut Patrick. Salut Danny. Patrick, je sais que dans le temps que des années 80, il y avait des rivalités. Oilers-Flames, c'était quasiment aussi fort que Canadiens-Nordiques. Avec le temps, les deux équipes ont été plus faibles, donc la rivalité a baissé. Mais là, est-ce que ça va être vraiment une rivalité qui va ressembler à celle de 1980 entre les Flames et les Oilers? Ben, j'ai pas vécu celle des années 1980. J'étais au Québec, je vivais à la Canadienne Nordique dans ce temps-là, mais je pense que c'est aussi gros, sinon plus, parce que je pense que les deux villes ne s'aiment pas. Donc, okay. Ça n'a pas changé. Les supporters des deux équipes ne s'aiment pas, puis il n'est pas question que quand il reste une des deux équipes en série, qu'on se rallie derrière l'autre. Déjà, on en parle depuis plusieurs jours. Là, quand on sentait que ça pouvait venir, ça commence à soulever les passions un peu partout. Puis ça va être quelque chose de gros, je pense, sur la patinoire. On va voir. C'est sûr que c'est pas les mêmes joueurs. Les joueurs à l'époque s'affrontaient souvent. C'était la même gang depuis quelques années. On s'affrontait souvent dans la saison. On se prenait en séries éliminatoires aussi assez souvent. Et c'était deux équipes très puissantes. Là. Les Flames auraient beaucoup plus de Coupe Stanley si c'était pas des Oilers qui étaient dans leur division. Donc on s'attend à quelque chose de très émotionnel, très émotif là, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, tant dans le sud que dans le nord de la province. Jay Whitcroft et Sutter, est-ce que c'est des entraîneurs qui sont capables d'alimenter un show? Je pense pas que Sutter est capable d'alimenter le gros show, mais Jay Whitcroft, est-ce que c'est un gars quand même qui a une forte personnalité? Non, Woodcroft fait très attention à ce qu'il dit, okay. Parle rarement des adversaires, donc c'est toujours réfléchi. Sutter serait capable de lancer quelques petits commentaires. Il l'a fait en saison. Hein, quand ça allait bien pour les Flames, on lui demandait « Ouais, hey, t'as une bonne équipe. » Il dit « Ouais, mais on n'est pas aussi bon que l'Avalanche ou que les Oilers. » Mm. Il répond « Tout le monde sait que les Oilers puis l'Avalanche, c'est les deux plus grosses équipes. Puis dans notre division, tout le monde sait que ça va être les Oilers puis la Vegas qui vont se battre pour la tête. » Il revenait, il jouait toujours la contrepartie, un peu l'avocat du diable en disant « Ben, vous l'avez prédit au début de l'année, ça peut pas changer, là, c'est comme ça. » Donc, il est capable un peu par ses commentaires, il va pas y aller jamais directement, mais par des sous-entendus, ça pourrait alimenter un petit peu, ouais. OK. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à cette série-là? Moi, vu de loin, je pense que les Flames sont une équipe mieux balancée, plus forte des séries éliminatoires. Par contre, ils n'ont pas manqué beaucoup de buts en première série. Tu limites McDavid et Draisaitl, c'est plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à une série assez longue? Ben, moi, je m'attends à ce que ça se termine en 6 matchs. Il faut y aller avec les Flames. Je pense que pour la logique, si on commence par les gardiens de but, Mark Schrum, c'est un candidat pour l'obtention du trophée Vézina. Il a eu toute une saison. Il a connu toute une première série aussi. Donc, je pense qu'il faut donner l'avantage aux Flames, malgré que Mike Smith, en série, à date, il est excellent. On peut pas l'aimer, là. Il a eu toute une fin de saison, puis ses séries sont là. Il est dans les meilleurs gardiens pour le pourcentage d'efficacité depuis le début des séries. Donc, on peut pas y enlever ça, mais il reste qu'il faut quand même donner l'avantage aux Flames. En défense aussi, on donne l'avantage aux Flames parce que du côté des Oilers, c'est un peu chambranlant en défense. On ne sait jamais quelle sorte de match les joueurs vont nous sortir. Malgré que lors des deux derniers matchs, les défenseurs des Oilers ont été excellents. Depuis qu'on a rajouté Russell et qu'on joue à 7 défenseurs, ça a fait une grosse différence. Du côté des Flames, on ne sait pas si Tanev va être en mesure de jouer. On ne sait pas c'est quoi l'état de santé de Chinnington. Si Tanev n'est pas là, c'est lui qui surveille McDavid d'habitude. C'est lui qui joue toujours contre McDavid. Donc ça, c'est un gros trou pour les Flames. Chinnington, c'est un défenseur du top 4 Donc, c'est un autre morceau important. C'est sûr que Gudbranson et Zadorov jouent un rôle plus important en série. Eux vont peut-être être appelés à surveiller le premier trio. Mais quand même, en défense, on donne un petit avantage aux Flames. Puis je pense qu'à l'attaque, on doit donner l'avantage aux Oilers parce qu'il y a McDavid, parce qu'il y a Draisaitl, mais on a un peu plus de profondeur. Si on est capable de jouer à trois trios, puis si on le sait pas encore, parce que ça va dépendre de l'état de santé de Draisaitl, s'il y a encore de la difficulté à patiner, on sait vraiment pas qu'est-ce qui est arrivé à sa cheville. On a vu que Tristan Jarry a joué avec un pied cassé. Est-ce que c'est la même chose avec Draisaitl? Est-ce que c'est cassé? Je pense pas qu'il est cassé, mais il est mal en point. Puis peut-être que pour l'épargner un peu, on va vouloir l'utiliser à l'aile plutôt qu'au centre. Donc, ça limite un peu les options en attaque. Mais on a vu McDavid jouer au sein de deux trios dans les deux derniers matchs. Est-ce qu'il est capable de faire ça pendant toute une série contre les Flames? Peut-être pas au même rythme, mais sûrement à quelques occasions. On a quand même trois trios qui peuvent marquer chez les Oilers. Il y en a deux bons chez les Flames. Donc, je donne un petit avantage en attaque aux Oilers, mais c'est compensé par le gardien Markstrom qui est vraiment excellent. Donc, on va avoir une bonne série. Moi, je pense que ça va être intense. Au début, on va voir comment ça va commencer si les deux équipes décident d'essayer de s'intimider une et l'autre. Je pense que c'est une des possibilités, mais peut-être qu'on va décider de jouer au hockey aussi puis d'essayer d'être un peu plus clean puis de vraiment jouer au hockey. Mais je serais pas surpris de voir quelques coups vicieux là dans le premier match pour essayer de prendre l'avantage sur l'adversaire. Chose certaine, c'est bon pour le hockey en Alberta. Vous en avez souffert pendant longtemps, les Flames. Ce n'était pas les Flames, c'était les Oilers qui n'étaient pas une bonne équipe. Donc, c'est vraiment bon d'avoir une belle série qui ressemble un petit peu aux années 90, là, et aux années 80. C'est bon pour l'Alberta, c'est bon pour le hockey, c'est bon pour les commerces. Même le Canada. C'est bon pour le Canada aussi, mais ici, pour les commerces, on a eu des séries l'an passé à Edmonton, ça a été très, très court. Il y a eu 4 matchs contre Winnipeg, puis ça a été fini. L'année d'avant, on a eu les séries, on a eu la bulle, mais il n'y avait rien, parce que les gens ne pouvaient pas se rassembler dans les restaurants, dans les bars. Donc, ça faisait des années que les restaurateurs attendaient ça, tant dans le sud que dans le nord. Donc là, il y a quelque chose qui rallie tout le monde. Les gens sont prêts à voyager pour aller voir les matchs, pour se rassembler près de l'aréna. Donc, c'est environ 3 heures de route, c'est ça. Donc, puis il y a des gens, les gens sont des partisans partout. Il y a des partisans des Oilers à Calgary, il y a des partisans des Flames à Edmonton. Donc, ça va être une belle rivalité. OK, c'était ma prochaine question, parce qu'à Québec, dans toute la rivalité canadien-nordique, il y avait souvent des partisans du Canadien qui étaient à Québec et des partisans des Nordiques qui étaient à Montréal. Donc, il y en a pas mal aussi? C'est un peu pareil. Je pense qu'il y avait un peu moins de partisans des Nordiques à Montréal que de partisans du Canadien à Québec. C'est un peu la même chose, mais en faveur des Oilers. Je pense que, de ma lecture, là, il y a plus de supporters d'Edmonton à Calgary que de supporters des Flames à Edmonton. Okay. Mais avant que je me trompe peut-être, là, lors des derniers matchs, là, depuis que l'équipe est déménagée à Place Rogers, quand dans les matchs Flames-Oilers, on entend un peu moins les supporters des Flames qu'on les entend à la place Rexall avant. Tandis que quand c'est à Calgary, on voit toujours énormément de chandails des Oilers dans les estrades. Donc, mais il y en a à chaque place, là, quand même. Bien hâte de voir cette série-là. On va suivre ça partout. Au Canada, je pense qu'elle est tellement attendue. Puis on a des belles séries cette année, avec la bataille de l'Alberta, la bataille de la Floride, c'est la même chose également. Donc, vraiment, là, les gens ont de quoi être gâtés. Hey, Patrick, puisque je t'ai, Kevin Goulet, il joue avec les Hurricanes d'Edmonton. Est-ce que tu l'as vu jouer un peu? Est-ce que tu connais un peu? Je l'ai vu. Je suis allé, honnêtement, à un match depuis qu'ils l'ont acquis. J'y allais un petit peu avant, mais depuis qu'il est là, un match, il est dominant. C'est évident qu'il a une longueur d'avance sur les autres joueurs, là, sur les autres défenseurs. Contrôle bien la rondelle. On lui a donné des responsabilités rapidement aussi. Là. Donc, je pense que les gens à Montréal, les supporters du Canadien, ont raison de se réjouir là, de voir qu'il va arriver bientôt. Peut-être dès l'an prochain. Je suis pas sûr qu'il est prêt à faire le saut directement, là, mais ça sera pas tellement long qu'il va pouvoir être là. Okay. Ben Patrick, on va surveiller ça de très très près. On va se rappeler après la série, si tu permets. Parfait, pas de problème. De Radio-Canada et Edmonton, Patrick Harry.